J'ai plus jamais envie d'écrire puisque les mots sont toujours les mêmes. Un peu de joie, un peu de froid et tour à tour les peines. Et cette corde qui me la serre la gorge. Un pied dans ma vie et l'autre dans le vide, ce destin qui m'écorche. Y'a que les degrés d'alcool qui m'aident à aimer l'homme. Des souvenirs et des faits, du bon, du mal, mes fous rires et mes larmes. Si mes propos sont dark au possible, c'est que dans ma tête mon enchevelé, mais le triple 6 a bien la côte aussi. Cancer du poumon, quand la haine fait un tabac. Au fond, si tu t'en fous, pourquoi tu me demandes si ça va? La race humaine à genoux et les ailes en cendres ensemble. Tous des putains de bons à rien, à part se foutre en sang. T'écris quand ça va bien, bah moi c'est l'inverse. Si tu préfères ton soleil, pas de problème, mais laisse-moi sous l'averse. Un peu de joie et tour à tour les peines. J'ai plus jamais envie d'écrire puisque les mots sont toujours les mêmes. J'ai plus jamais envie d'écrire puisque les mots sont toujours les mêmes. Des grammes d'alcool, des kilos de vie et des tonnes de haine. Ici et là, un peu d'espoir, de joie, j'alterne avec un peu trop de brutalité dans les thèmes. Quand mon cœur est terne, de messages, je suis passé à la violence verbale. En accord avec ce monde brutal et mes pensées hivernales. Fleur de peau, avant de m'écorcher vif quand j'avais le temps. Si c'est pour pas souffrir, je vois pas ce que vivre aurait d'exaltant. Tu vois, j'y peux rien, si je suis trop répétitif. C'est que j'ai tout dit et que le principal, c'est que moi et mes potes ont qui. J'ai plus jamais envie d'écrire, mais toujours envie de faire du son. Alors le paradoxe est clair et ça me sert plus à rien de donner des leçons. Des connards humains sur la grande scène de la vie. Et je m'amuse simplement à décrire et donner mon avis. J'ai plus jamais envie d'écrire, d'écrire les mêmes mots. Les mots avec lesquels je saigne, avec lesquels je saigne trop. J'ai plus jamais envie d'écrire, tous les mots sont j'ai envie de dire ce que les mots sont toujours les mêmes.